Si, si. Si va la vie, c'est pas le pari. Europeanos, los perdidos, bobos, los dingos, casos, gringos, muchachos, los ricos de la vida. Qué question VC. L'essentiel c'est d'aimer, rigoler, flâner au rivage des plages, tu peux te balader. Sans peur d'être épié, critiqué, pense pas qu'il y a rien à bouffer. Même avec un bon riz, tu seras toujours bien rassasié. Toute une éthique en Afrique. Si, si, c'est comme ça la vie. Représente le 6-9 et le 0-3. Aussi Africa. Représente le 6-9 et le 0-3. Le 03 aussi Africa représente le 69 et le 03 aussi Africa représente le 69 et le 03.